Sainte Bible selon Saint Jérôme, lecture du Cantique des Cantiques au chapitre 6. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans le parterre des plantes aromatiques, pour se nourrir dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, lui qui se nourrit parmi les lys. Tu es belle, mon ami, suave, et belle comme Jérusalem, terrible comme une armée rangée en bataille. Détourne de moi tes yeux, car ce sont eux qui m'ont fait fuir en toute hâte. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres que l'on voit venir de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui sont montées du lavoir, toutes portent un double fruit, et il n'y en a pas de stérile parmi elles. Tes joues sont comme l'écorce d'une grenade, sans ce qui est caché en toi. Il y a 60 reines et 80 femmes du second rang, et les jeunes filles et des jeunes filles sans nombre. Elle est unique, ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles l'ont vue, et elles l'ont proclamée bienheureuse. Les reines et les autres femmes l'ont vue, et l'ont comblée de louanges. Quelle est celle-ci qui s'avance comme à l'aurore à son lever, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Je suis descendu dans le jardin des noyers pour voir les fruits des vallées et pour considérer si la vigne avait fleuri et si les grenades avaient germé. Je n'ai plus su où j'étais. Mon âme a été toute troublée à cause des chars d'Aminadab. Reviens, reviens, ô Soulamite, reviens, reviens, afin que nous te contemplions. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.